Et pour terminer, quelques extraits sur les beaux-arts dans ce siècle de Louis XIV. La saine philosophie ne fit pas en France d'aussi grands progrès qu'en Angleterre et à Florence. Et si l'Académie des sciences rendit des services à l'esprit humain, elle ne mit pas la France au-dessus des autres nations. Toutes les grandes inventions et les grandes vérités vinrent d'ailleurs. Mais dans l'éloquence, dans la poésie, dans la littérature, dans les livres de morale et d'agrément, les Français furent les législateurs de l'Europe. La langue commençait à s'épurer et à prendre une forme constante. On en était redevable à l'Académie française et surtout à Vaugelas. Un des ouvrages qui contribuèrent le plus à former le goût de la nation et à lui donner un esprit de justesse et de précision fut le petit recueil des maximes de François, duc de La Rochefoucauld. Quoiqu'il n'y ait presque une vérité dans ce livre, qui est que l'amour-propre est le mobile de tout, cependant, cette pensée se présente sous tant d'aspects variés qu'elle est presque toujours piquante. C'est moins un livre que des matériaux pour orner un livre. On lut avidement ce petit recueil. Il accoutuma à penser et à renfermer ses pensées dans un tour vif, précis et délicat. C'était un mérite que personne n'avait eu avant lui en Europe depuis la Renaissance des lettres. Mais le premier livre de génie qu'on vit en prose fut le recueil des lettres provinciales en 1656. Toutes les sortes d'éloquences y sont renfermées. Il n'y a pas un seul mot qui, depuis 100 ans, se soit ressenti du changement qui altère souvent les langues vivantes. Il faut rapporter à cette époque, à cet ouvrage, l'époque de la fixation du langage. L'évêque de Luçon, fils du célèbre Bussy, m'a dit qu'ayant demandé à M. Demeaux, Bossuet, quel ouvrage il eût mieux aimé avoir fait s'il n'avait pas fait les siens, Bossuet lui répondit les lettres provinciales. Elles ont beaucoup perdu de leur piquant lorsque les jésuites ont été abolis et les objets de leurs disputes méprisés. On remarquera, hélas, que Voltaire ne cite pas l'auteur de ces provinciales, à savoir Blaise Pascal. Un des premiers qui étalèrent dans la chair une raison toujours éloquente fut le père Bourdaloue, vers l'an 1668. Ce fut une lumière nouvelle. Il y a eu après lui d'autres orateurs de la chair, comme le père Massillon, évêque de Clermont, qui ont répandu dans leurs discours plus de grâce, des peintures plus fines et plus pénétrantes des mœurs du siècle, mais aucun ne l'a fait oublier. Il avait été précédé par Bossuet, depuis évêque de Meaux. Cependant, quand Bourdaloue parut, Bossuet ne passa plus pour le premier prédicateur. Il s'était déjà donné aux oraisons funèbres, genre d'éloquence, qui demande de l'imagination et une grandeur majestueuse, qui tient un peu à la poésie, dont il faut toujours emprunter quelque chose, quoique avec discrétion, quand on tend au sublime. L'éloge funèbre de Madame, enlevée à la fleur de son âge et morte entre ses bras, eut le plus grand et le plus rare des succès, celui de faire verser des larmes à la cour. Il fut obligé de s'arrêter après ces paroles. Ô nuit désastreuse, nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte, etc. L'auditoire éclata en sanglots, et la voix de l'orateur fut interrompue par ses soupirs et par ses pleurs. Les Français furent les seuls qui réussirent dans ce genre d'éloquence. Le même homme, quelque temps après, en inventa un nouveau, qui ne pouvait guère avoir de succès qu'entre ses mains. Il appliqua l'art oratoire à l'histoire même, qui semble l'exclure. Son discours sur l'histoire universelle, composé pour l'éducation du dauphin, n'a eu ni modèle ni imitateur.